ciel en bas, la terre en l'air. Elle voulait faire chanteuse de rock, laisser son vieux look au vestiaire. Voix brisée, à la fois tendresse et sensuelle, avec des mots jamais osés, dans des chansons pensées pour elle. Elle se voyait sur un album, Super Lady sophistiquée, de celles qui font courir les hommes. Chanteuse de rock, comme on...